Dossier 6. Voyage, voyage. Leçon 2. La France des trois océans. Activité 3. Mesdames et messieurs, voici à présent la finale de questions pour un voyage. Camille, Emmanuel, attention, nous allons tester vos connaissances en géographie sur la France d'outre-mer précisément. Connaissez-vous les départements, régions et collectivités d'outre-mer? Voici la première question. Cette région est située dans le nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil. Cette région, c'est... La Guyane française. Bonne réponse, Camille. Bravo. Question suivante. Comme la Guadeloupe, c'est une île volcanique située dans les Petites Antilles. Sa capitale est Fort-de-France. La Martinique. Bien, Emmanuel. Bonne réponse. Je passe à la troisième question. C'est un archipel situé près de la côte de Terre-Neuve, au Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon. Bravo, Camille. La quatrième question. C'est une petite île située dans le sud-ouest de l'océan Indien, entre Madagascar et le continent africain. Mayotte. Oui. À présent, écoutez bien.